Moi c'est Abby. Sur ce morceau, lui c'est HDV. Sur ce morceau, lui c'est MJ. Vous êtes prêts, on est prêts pour une nouvelle partie. On a tous une ambition, ouais. Réussir sans condition, ouais. Dans le rap tu avances, surtout si t'as mis de l'important. Moi et mon rap, on s'est entrelacé. Je refais mes lacets pour ne pas glisser. Quand mon rap a bien progressé, je peux pas m'enlacer, ni même mon passé. Et ça, tu le sais, la m'adresser que l'amour m'a dressé. Le rap m'a rattrapé, aujourd'hui m'a consolé. Le rap, c'est une passion, mais je me donne à fond. Le rap, c'est comme ma vie, je lui donne un sens. Mon rap, c'est comme un bizarre, c'est tout bizarre, mais c'est un style bon, le zap avec un accent bled. Ah, ah. Mon rap est insolent, non, mon rap est ignorant, non. Mais mon rap fait mal, normal, je suis hâte. C'est Kabir. On a tous une ambition, ouais. Réussir sans condition, ouais. Dans le rap tu avances, surtout si t'as mis de l'importance. On a tous une ambition, ouais. Réussir sans condition, ouais. Dans le rap tu avances, surtout si t'as mis de l'importance. Mon rap de caricature, il fait monter la pression. La pression la plus mature, ma plume te met une sanction. Fume des gros pédos et alors il te rend schizophrène, psychopathe même. Il t'est Batman, il déboîte et te fait bouger ton cul en boîte. Mon rap fait envier les autres, il ne fait pas de sacrifice. Mon rap fait casser tes côtes et scintille comme un feu d'artifice. Mon rap est trop fat, il récite des sourates. Tête défonce à coups de latte, tire une latte, tu seras pas déçu. Je tire une balle, elle t'atterrit dessus. Je suis déçu, mais bien décidé, mon vécu suit sa destinée. Mon rap est imité et non pas limité. Au niveau de l'amitié, bien sûr qu'il fait traiter. Avec mon micro cali, pense pas que je vais te rater, aïe. Mon rap te donne le sourire, pas moyen de t'assoupir. Ta bouche c'est pire, mon rap est menacé. Je dirais même trop lassé. Des bolos, cire mes lacets. Amis celle à se forcer, d'adoucir. Droit devant j'ai foncé, des fossés offensés. Le rap français, je lui mets la fesse. On a tous une ambition, ouais. Réussir sans condition, ouais. Dans le rap tu avances, surtout si t'as mis de l'importance. On a tous une ambition, ouais. Réussir sans condition, ouais. Dans le rap tu avances, surtout si t'as mis de l'importance. Mon rap il tape fort, c'est AMBD à l'impitoyable soldat. La passion qui fait kiffer dans les yeux qu'ils ont fait. Featuring Abby et HDV, le son c'est ma vie. Je varie le plaisir du gros beat au jazz. Appelle-moi AMBD, véritable kamikaze. Ce son c'est du lourd mon coco, doucement mon coco. Tu vas briser les os, éclater les réseaux. Mon rap est un réseau de Nancy au bled. 9-16-6 numéro 1, je démarre doucement. Même sûrement pour mes rétables, je ne tape plus mes cahiers de rap. Je me retape toutes mes paroles en rap. Sans handicap, je rattrape le temps perdu. Voici le compte rendu. Mon rap est une fleur qui résiste à la chaleur. Il est entré dans ma vie et admire sa splendeur. On a tous une ambition, ouais. Réussir sans condition, ouais. Dans le rap tu avances, surtout si t'as mis de l'important. On a tous une ambition, ouais. Réussir sans condition, ouais. Dans le rap tu avances, surtout si t'as mis de l'importance. On a tous une ambition, ouais. Réussir sans condition, ouais. Dans le rap tu avances, surtout si t'as mis de l'importance. On a tous une ambition, ouais. Réussir sans condition, ouais. Dans le rap tu avances, surtout si t'as mis de l'importance.